Chapitre 16. Le trésor de Passamon. Huit jours environ après que Tanneguy du Châtel et le chevalier de Passavant eurent lié une de ces amitiés de fortune et d'improviste qui sont les meilleures, toujours les plus durables souvent, ces deux hommes, un matin après dîner, le coude sur la table, les jambes allongées, achevaient de vider à petits coups un troisième cruchon de vin blanc placé entre eux. C'était du Châtel qui avait découvert ces cruchons, en passant lui-même l'inspection des caves de Thibault le Poingre. « Figurez-vous, dit-il, que ce ladre prétendait garder pour lui seul les 30 ou 40 cruchons qui lui restent de ce vin. C'est, paraît-il, maître Froissart qui l'apporta de Champagne. Je vous dirai tout franc que, sans mépriser les vins rouges, je me sens un faible pour ces jolis blancs qui montent si facilement à la tête. Et vous, chevalier, qu'en dites-vous ? Je dis que nous mettons à mal le dernier cruchon. Qu'allez-vous devenir ? Oui, dit Tanguy en hochant la tête. Nous avons tout bu, et Thibault en fera une maladie. Ah bah, il se guérira avec ces bons gros vins rouges que vous dédaignez. Tanguy lampa une rasade, suça consciencieusement le bout de ses grosses moustaches et reprit après un silence. N'était votre manie de vouloir pénétrer dans l'hôtel Saint-Paul, je trouverais en ce moment que la vie a du bon. Nous faisons la nique aux enragés bourguignons. Nous mangeons bien, nous buvons mieux, mais nous dormons mal. Ah, notre ami, pourquoi diable passons-nous nos nuits à rôder autour de la forteresse du roi ? Mais, dit Passavant, puisque nous dormons le jour. Oui, oui, mais diable, il faut que je retrouve Roselys. Mais qui est cette Roselys et pourquoi la chercher ? Mais pour lui rendre sa dot, dit Passavant avec son sourire narquois. Or je dois la demander à la demoiselle de Champdivers, laquelle est logée à l'hôtel Saint-Paul. Est-ce que tout ceci ne vous paraît pas logique ? Sans doute, grogna Tanguy. Mais vous verrez que cette logique-là nous conduira à la potence. Le chevalier avait placé tous les ducats qu'il avait reçus d'Éphraïm dans le coffre de bois qui était dans sa chambre. Mais il avait juré de ne pas y toucher et de rendre à Roselys sa dot. Il avait, il est vrai, distrait 2 diamants, mais l'une de ces 2 pierres avait été offerte à Tanguy en récompense. Tanguy, en effet, l'aidait à garder le trésor. L'autre, le lendemain même du jour où s'était fait cet échange, le chevalier, toujours escorté de Tanguy, était monté à cheval et avait pris le chemin de Pierrefonds, dans l'espoir d'obtenir de la duchesse d'Orléans le renseignement qu'elle avait promis au sujet de Roselys. La route avait été faite d'une traite. Au château du duc d'Orléans, une déception attendait Passavant. Valentine, en proie à une inguérissable tristesse, était partie sous bonne escorte, et il fut impossible au chevalier de savoir quel chemin elle avait pris. Au surplus, se dit-il, le sorcier m'a dit de demander Roselys à la demoiselle de Champdivers. C'est donc à l'hôtel Saint-Paul qu'en réalité je dois me rendre. Le même jour, après 3 heures de repos accordées aux chevaux, nos 2 aventuriers reprirent le chemin de Paris. Mais cette fois, ils s'arrêtèrent à Dammartin et entrèrent à l'auberge du bienheureux Saint-Éloi, où le chevalier n'eut pas l'air de reconnaître la jolie et généreuse jeune fille qui, de si délicate manière, avait refusé la grave destinée à payer le dîner de Passavant lors de son premier voyage. Selon la formule de Tanguy, les 2 voyageurs mangèrent bien et burent mieux. La jolie fille était là, qui les servait, un peu dépitée de n'être pas reconnue. Du premier coup d'œil, elle avait, elle, parfaitement reconnu son hôte, et à sa mine un peu plus maigre, à ses habits un peu plus râpés, elle avait jugé qu'il n'avait pas dû faire fortune encore. Cependant, ni le dîner, ni les vins ne laissèrent à désirer. Quand ce fut fini, Tanguy paya les 2 écus. Puis les 2 cavaliers se remirent en selle, et la jolie fille vint, selon le charmant usage de ses temps, leur offrir le coup de l'étrier. Le soir tombait, les abords de l'auberge commençaient à se noyer d'obscurité, la bise balayait le chemin. Devant le perron du bienheureux Saint-Éloi, le groupe se silhouettait vaguement. Un peu triste, la jolie fille remplit les 2 gobelets. Tanguy vida le sien et le rendit à l'hôtesse. Le chevalier vida aussi son gobelet et alors laissa tomber au fond un objet qui résonna. L'hôtesse entendit ce bruit léger et prit les gobelets vides que lui tendait le chevalier, penché sur l'encolure de son cheval. La jolie fille était tout contre lui. Elle jeta un regard dans le fond du gobelet et aux lueurs mourantes du jour vit briller le diamant, le dernier des diamants que le chevalier avait distrait de la dot de Roselys. Sur l'encolure de son cheval, Passavant se pencha davantage et embrassa l'hôtesse sur les deux joues. « Ce diamant, murmura-t-elle tout émue, ce n'est pas moi qui vous le donne, fit-il avec son bon sourire. C'est le pauvre chevalier qui, là-bas, sur le plateau du Voliard, mangea de si bon appétit le dîner que vous lui aviez mis dans ses fontes. Et ces deux baisers, dit-elle en riant, oh, ceux-là, c'est moi qui vous les donne, et de bon cœur, jolie hôtesse, que je n'oublierai pas. » Les cavaliers piquèrent des deux, et quand ils eurent disparu au fond de l'obscurité, la jolie fille était encore sur la route, ne regardant même pas ce beau diamant qu'elle tenait dans ses doigts. Pendant les jours qui suivirent, Passavant essaya de pénétrer dans l'hôtel Saint-Paul. Ce fut peine perdue. Il va sans dire qu'il ne pouvait se présenter tout bonnement à la grande porte. Il savait à quoi s'en tenir sur les intentions d'Isabeau. « Le moins qui puisse m'arriver, disait-il à Tanneguy, c'est d'être jeté dans les fossés de la Huit de l'Aune. Et pour le coup, il me serait difficile de remettre à Roselys le trésor qui lui appartient. » Qui lui appartient ? Grognait Tanneguy. Mais je vous approuve de ne pas vous montrer le jour à l'hôtel Saint-Paul. Comme on l'a appris par l'entretien ci-dessus, c'est donc la nuit qu'eurent lieu ces diverses tentatives. Mais revenons dans la chambre de l'auberge. Nos deux amis finissaient de vider le dernier cruchon lorsqu'on frappa à la porte. C'était maître Thibault qui venait prévenir que des figures plus ou moins patibulaires avaient été vues autour de l'auberge. Le chevalier et Tanneguy se mirent en observation, et soit que des gens eussent été réellement apostés, soit que leur esprit eût été frappé, ils virent en effet, ou crurent voir, à diverses reprises, des hommes arrêtés devant l'auberge. « C'est bien, dit Tanneguy, nous changerons de gîte. » « Avant tout, fit le chevalier, il faut mettre le trésor à l'abri. » « Diable, oui, le trésor de la jolie invisible. » De la petite fée qu'on a pétrie de rose et de lys. Mais où, mon noble ami? Où cacher la dot de Roselinde? Roselys, rectifia froidement le chevalier. J'y suis, cria Tanneguy. Nous allons tout bonnement transporter chez moi les ducats d'Éphraïm. Mon logis n'est plus surveillé. On me croit hors de Paris. Nul ne s'avisera d'aller chercher là. Cela vous va-t-il? Cela me va, mon brave capitaine. Hola! Hola, maître Thibault! Hola, hôtelier de l'enfer! Cria Tanneguy pour renchérir. Thibault accourut. Il faut que vous sachiez, maître le poingre, que votre auberge sera sans doute attaquée ce soir ou demain par les gens qui nous veulent la mal mort. Mais ne craignez rien, nous serons là pour la défendre. En ce cas, dit Thibault renfrogné, il n'en restera pas pierre sur pierre. J'y compte bien, dit Passavant glacial. En attendant, nous voulons mettre en lieu sûr ce trésor qui ne nous appartient pas. Vous allez donc charger ces quelques sacs sur l'une de vos mules que conduira ce drôle. Comment l'appelez-vous? Périnet. Qui et que nous escorterons, nous? Et sans plus s'occuper du déménagement, certains d'ailleurs de la parfaite honnêteté de Thibault, les deux amis s'occupèrent de s'équiper de pied en cap. Quand ils descendirent dans la rue, la mule était là, toute chargée. Périnet tenait le bridon, ne sachant pas d'ailleurs quelle charge précieuse il conduisait, vu que Thibault, homme prudent, avait lui-même transporté et arrimé les sacs sur le bas. Seulement, en voyant partir ses deux hôtes qui lui promettaient d'être de retour au bout de 2 heures pour défendre l'auberge, « Eh !» songea Thibault, « s'il pouvait seulement avoir l'idée de rester en surveillance auprès du trésor. « Mes chers seigneurs, dit-il, ne vous gênez pas. « Je défendrai seul ma taverne. Défendez ces beaux sacs. »« Non, non, par Notre-Dame, il ne sera pas dit que nous vous aurons laissé dans la peine. » La petite caravane se mit en route. La rue était d'ailleurs parfaitement paisible, si bien que le capitaine et le chevalier, ayant inspecté les environs, ne virent rien qui pût provoquer leur soupçon. Le logis de Tanneguy se trouvait rue Saint-Antoine. La route se fit donc rapidement et sans encombre. La mule fut déchargée par Duchâtel et Passavant, les sacs transportés à l'intérieur, puis Périnet s'en retourna, reconduisant l'animal et se disant, perplexe, « Il me semble que ces sacs ont rendu un son étrange, comme qui dirait des chocs de pièces d'or. Est-ce que j'aurais manqué ma fortune ?» Il ne vit pas deux hommes qui, enveloppés de leurs manteaux jusqu'au nez, à cause du grand froid sans doute, s'étaient mis en surveillance devant le logis du Châtel. Bientôt, l'un de ces deux espions s'éloigna rapidement, tandis que l'autre demeurait sur place. Le logis du Châtel était une solide maison carrée, flanquée d'une tourelle à son angle d'ouest. Élevée de deux étages, coiffée d'une belle toiture à girouettes, ornée en façade de balcons gothiques, elle avait seigneuriale apparence. Le sire du Châtel y vivait seul, en garçon qui n'aime guère encombrer son existence de femme et d'enfant. Bien entendu, nous ne parlons pas du personnel domestique composé de deux valets d'armes, d'une escorte de 8 hommes de guerre, deux valets d'intérieur et 3 femmes chargées des soins de cuisine et autres. Tout ce monde avait été provisoirement licencié, le capitaine ayant voulu persuader à ses ennemis qu'il était parti pour un long voyage. Le petit castel se trouvait donc vide. Tanneguy se fit un plaisir de le faire visiter à son ami, depuis le grenier jusqu'à la salle d'honneur ornée de beaux meubles, jusqu'à la salle d'armes où était assemblée une éblouissante collection de haches, de masses, de piques, de halbardes. Enfin et surtout, jusqu'aux caves qui étaient fort belles, fort bien pourvues, et où le fameux trésor fut enterré dans le sable du sol. Cette visite, à laquelle Passavant se prêta avec sa politesse et sa bonne grâce louangeuse, demanda 2 bonnes heures. Il va sans dire qu'il fallut goûter à quelques-uns des meilleurs vins de Séan. Ensuite de quoi nos deux amis songèrent à reprendre le chemin de la truie pendue. Comme ils allaient ouvrir la porte extérieure, solide porte renforcée de clous, curieusement travaillée et à tête énorme selon la mode, ils entendirent quelques tumultes dans la rue. Et presque aussitôt une voix cria « Écartez-vous, drôle, manant, qu'on laisse la rue libre, il va pleuvoir des horions tout à l'heure. » « Oh !» fit Tanneguy. La voix de Quetonville. Et celle de Scas, ajouta le chevalier, au moment où une autre voix se mit à brailler des ordres. Il se trouvait dans un large vestibule dallé de marbre, encombré de coffres, de bahuts, qui n'avaient pu trouver place dans les appartements. D'un regard, ils se comprirent et se mirent à l'œuvre. En 10 minutes, coffres et bahuts se trouvèrent entassés contre la porte et formèrent une puissante barricade. Là, fit Tanneguy, en essuyant son visage couvert de sueur. J'ai enfoncé pour ma part quelques entrées de forteresse, mais je crois que celle-ci m'eût donné du mal. « Et les fenêtres d'en bas ?» demanda Passavant. « Bardées de fer épais, mon chevalier. Ils n'entreront pas par les fenêtres, je vous en réponds. »« Ah !» fit le chevalier, « ce n'est pas comme moi. » Tanneguy demeura un instant effaré, mais comme il commençait à s'habituer à ces réponses bizarres, prononcées d'un ton froid et naïf, il suivit son ami qui montait au premier étage. Passavant ouvrit une fenêtre et fit entendre un petit sifflement qui en disait long. Tanneguy se précipita, jeta un regard sur la rue et recula en disant « Diable, diable !»« Oui, fit Passavant, je crois que ce n'est pas encore ce soir que nous pourrons entrer à l'hôtel Saint-Paul. »« Ni demain, » ajouta Tanneguy. « Ni après, ni jamais, » acheva Passavant. « Ah, mon pauvre capitaine, je crois que pour moi, vous vous êtes fourvoyé dans un bien méchant guêpier. »« Mais pas du tout, c'est vous au contraire qui devez me maudire, puisque je vous ai attiré. »« Ne disons pas de sottises, » interrompit le chevalier. « Voyons, combien sont-ils ? D'après leur nombre, nous pourrons calculer les chances que nous avons de nous en tirer. »« Vous croyez ? Oui, je suis un bon calculateur. » Les deux amis, ensemble, se penchèrent à la fenêtre et une clameur salua leur apparition. Un groupe de gendarmes, qui portaient tous les insignes de Bourgogne, occupait la rue devant le logis de Tanneguy. Ils étaient armés de haches de guerre. En outre, chacun portait sa dague et son épée. Plusieurs balançaient à leur poing une de ces masses garnies de pointes qui, du premier coup, vous défonçaient proprement un crâne. Les voilà! Les voilà! Vociféra cette troupe. Rendez-vous, ruffian! Hurla Guillaume de Scasse. Où est Tanneguy? Cria Hoquetonville. Je t'apporte ton reste. Monseigneur veut la peau du sire de Passavant pour s'en faire un cuir à son escabeau. Il sera plaisant de voir les deux truands s'embrasser dans la même chaudière à pourceaux. Quel cri! Dit Tanneguy un peu pâle. Nous sommes perdus, mon cher, ils sont trop. Ils sont 23, dit Passavant. Pardon, j'ai compté aussi, ils sont 60. Oui, mais Scasse et Hoquetonville ne comptent pas, puisqu'ils doivent mourir de ma main. Hein? Fit Duchâtel abasourdi. Vous croyez? Je suis sûr, dit Passavant, avec un sourire qui donna à Tanneguy un petit frisson à la nuque. Bon, en ce cas, reste à 58. De là à 23. Oui, capitaine, mais vous admettez bien qu'à la première rencontre, nous en tuerons 6 chacun. Diable! Cria Tanneguy interloqué. Eh bien oui, reprit-il. 6 chacun, cela fait 12. Reste à 46, il me semble. Sans doute, 46. Nous sommes 2. Nous n'avons donc affaire qu'à 23 chacun. Ah! C'est ce que vous appelez être bon calculateur? Fit Duchâtel en ouvrant des yeux énormes. Aurais-je commis une erreur? Dit Passavant de son air poivre et sel. Nous disons 23, capitaine, et comme chacun de nous vaut bien une douzaine de ces truands, il en résulte que nous avons seulement 12 chances à peu près d'être tués. C'est peu de choses. Il y avait on ne sait quoi de terrible dans ces fanfaronnades qui, venant d'un autre, eussent prêté à rire. Mais Passavant les disait d'un accent si formidablement paisible que Tanneguy se sentit transporté d'enthousiasme plus que par le plus beau discours ou la plus sublime exhortation. Il tira son épée et vociféra. « Bataille, par l'enfer, bataille. Et si je meurs, chevalier, eh bien ce me sera un rude honneur que d'être tué dans la société d'un compagnon tel que vous. » « Tiens, dit froidement Passavant, ils apportent une poutre. Pourquoi faire ?» Ah oui, pour enfoncer la porte. Ma porte, cria Tanneguy, en qui se réveilla l'instinct du propriétaire. Une si belle porte, en cœur de chêne tout sculpté, ornée de clous, et qui m'a coûté. Attendez, attendez, vous calculerez tout à l'heure. Un coup sourd ébranla la porte, suivi d'exclamations furieuses. Et Passavant continua. Ah, décidément, ils entreront par la porte. Voyons. Vous n'avez pas de poutre ici? Non, évidemment. Et cependant, il nous faut démolir cette fenêtre, et vite. La fenêtre en question donnait juste au-dessus de la porte. Tanneguy s'était élancé. Déjà, il revenait avec 2 énormes haches, et tandis que la poutre en bas continuait à frapper des coups qui répercutaient dans tout le logis de sourds et lugubres échos, les 2 assiégés démolissaient la fenêtre avec une telle ardeur qu'en quelques minutes, le bâti de chêne fut décellé et tomba dans la rue à grand fracas. « Ma pauvre fenêtre !» grogna Tanneguy tout sûr. « Je l'ai bien payé 40. Oh, mais attendez donc, que diable! Vous ferez le compte général quand le logis sera démoli. » À la chute de la fenêtre, les assiégeants avaient un instant reculé, hurlant une bordée d'injures, mais se demandant si les assiégés ne devenaient pas fous. Une large ouverture béait maintenant au-dessus de la porte. Les bourguignons, le nez en l'air, regardaient et vociféraient. « Bon !» cria Scasse en éclatant de rire. « Les voici qui rebouchent leurs trous maintenant. La peur les affole. »« À la poutre !» hurla Hoquetonville. Dans l'ouverture béante venait de s'encastrer un pesant bahut qui semblait la boucher. Ce bahut avait été poussé par Tanneguy et Passavant qui, l'oreille aux aguets, écoutaient. Au premier coup qui de nouveau retentit sur la porte, ils se baissèrent ensemble, saisirent l'énorme meuble par en bas et se raidirent. « Attention !» dit Passavant. « Pourvu que cela passe !» gronda Tanneguy. « Cela passera, puisque nous avons démoli la fenêtre qui vous a coûté. » La poutre tonna sur la porte. Au même instant, d'un même furieux effort, les 2 assiégés soulevèrent par sa base le bahut qui bascula, oscilla une seconde sur l'appui et tomba. Un long hurlement monta de la rue. Passavant se pencha et rentra aussitôt. « 5, dit-il. « Hors de combat ? » haleta Duchâtel. « Assommé, écrasé, aplati. je ne sais quoi. Mais ils sont cinq qui se tortillent sur la chaussée comme des vers de terre. Continuons. Dans la rue, les imprécations forcenées couvraient la plainte des cinq écrasés qu'on emportait hors de la zone dangereuse. La grosse poutre qui servait de bélier gisait abandonnée. Les assiégeants avaient reflué en désordre. Oh, que ton ville criait à tue-tête. Recommençons, mordieu. Saisissez-moi cette poutre. Ah, chien maudit, vous avez peur? C'est cela, dit Passavant. Recommençons. En bas, une dizaine d'hommes soulevaient le bélier, le balançaient et à toute volée le lançaient sur la porte. Hurrah! Hurrah! Mugit la frénétique acclamation. La porte était fendue, un des battants à demi disloqué. À ce moment, l'ouverture de la fenêtre se trouva bouchée par quelque chose de vaste et de luisant, dont on voyait les sculptures. Une tête de démon tirait la langue aux gens de la rue. C'était un coffre magnifique et pesant que les deux assiégés venaient de placer debout sur l'appui de la fenêtre, énorme projectile prêt à l'écrasement. Il y eut une débandade. De nouveau la poutre fut abandonnée. Et encore retentirent parmi les jurons les ordres furieux de Skas et d'Oquetonville. 10 hommes s'avancèrent, non sans un vrai courage, car ils savaient ce qui les attendait. Ils soulevèrent le bélier, le précipitèrent sur la porte. Au même instant, le coffre s'abattit. Le tumulte des cris exaspérés couvrit le fracas, et on vit alors que 3 des travailleurs gisaient inanimés parmi les débris du projectile. Mais la porte était à bas. Skas et Oquetonville, les premiers, s'élancèrent la hache au poing. Leur troupe les suivit en vociférant. Puis il y eut une reculade soudaine. La porte était enfoncée, oui, mais derrière se dressait le rempart qu'avaient échafaudé les assiégés. De la fenêtre pleuvaient les lourds escabeaux, les masses de fer. Pendant quelques minutes, il y eut une confusion de gestes affolés, un conflit de rumeurs violentes, d'où jaillissaient des jurons, des hurlements de douleur. Et brusquement la bataille cessa. L'assaut est repoussé, dit Passavant. Oui, fit Tanneguy, je commence à croire. Oquetonville se disposait pour une nouvelle attaque ainsi combinée. Se ruer tous ensemble sur l'obstacle, sans se soucier des projectiles de la fenêtre. Démolir le rempart à coups de hache et monter. À ce moment, le chevalier de Passavant parut à la fenêtre. Il était couvert de sueur. Dans la pâleur de son visage, étincelaient ses yeux, et son sourire était effrayant à voir. Une bordée d'insultes l'accueillit, mais il leva la main et on se tut. Il y avait de la curiosité dans cette foule, il y avait de la terreur et aussi peut-être de l'admiration parmi ces rudes hommes d'armes qui n'estimaient rien que la force et le courage. On vociféra donc des injures. Passavant fut comparé à un chien galeux, à un porc hongris et autres de ce genre. Mais lorsqu'il leva la main, si calme et si flamboyant, tous se turent. Il cria « Sire de Skas, sire d'Oquetonville !»« Qu'as-tu fait de Courteheuse ?» rugit Oquetonville. « Ce que je ferai de vous, » dit Passavant. « Tôt ou tard, vous mourrez de ma main. Or, voici ce que je veux vous proposer. Je vais descendre dans la rue. Les braves qui vous accompagnent donneront leur parole de ne pas me charger, et je me battrai contre vous deux. » « Pardon, grogna Tanneguy, je veux ma part. »« Silence, » dit Passavant d'une voix si glaciale que Tanneguy recula. « Ici, ce n'est pas moi qui parle. Skas, Oquetonville, seul contre moi, chacun de vous deux tombera. »« Chien maudit, » vociféra Skas, livide de fureur, « te crois-tu donc invincible ?»« Descends, » prailla Oquetonville, « descends que je t'étripe. » Tandis qu'à deux, continua le chevalier, « vous pourrez peut-être vous débarrasser de moi. »« Peut-être ?» hurlèrent les deux bourguignons, fous de rage. « Acceptez-vous ? Si oui, vous épargnez la vie de quelques-uns de ces braves. Écoutez, vous autres, nous soutiendrons le siège plusieurs jours. Nous avons des vivres. Vous avez vu ce que nous pouvons faire. La porte franchie, l'escalier vous arrêtera 2 heures. Puis il y a d'autres portes à prendre. Il y aura 2 étages. Combien de vous vont laisser ici leurs os ? « Songez-y et décidez-vous maître à accepter ma proposition. S'il refuse, je vous tiendrai, vous, pour des braves, condamnés à l'écrasement, mais eux, je les tiendrai pour des lâches. » À ce mot, qui a aujourd'hui perdu presque toute sa valeur, On vit au que ton ville délirant s'arrachait les cheveux. On vit Scas s'élancer seul sur la porte et essayer de son épaule de démolir le rempart. Puis un tumulte encore s'éleva et cessa. Passavant avait disparu de la fenêtre. Dans la rue s'établit un silence relatif. Les assiégeants se concertaient et délibéraient sur la proposition du chevalier. « Par tous les diables, » dit Tanneguy, « croyez-vous donc que je vais vous laisser descendre seul ?»« Oui, s'ils acceptent. Taisez-vous, capitaine. C'est ici la seule et dernière chance qui me reste de tenir le serment fait sur la tête sanglante de Louis d'Orléans. » « Mais par le tonnerre du ciel, vous serez tué. Scas et Oquetonville sont deux rues de l'âme. Taisez-vous, je les tuerai. Et ne voyez-vous pas qu'alors nous sommes saufs? Les deux chefs morts, les autres n'oseront porter la main sur nous. Et enfin, mon brave ami, si je suis tué, il vous restera une ressource. À votre tour, vous descendrez, et... Ah, voilà qui arrange les choses. Bon, les voici qui appellent, dit Passavant, en se rapprochant de la fenêtre. Le conciliabule était terminé. Les gendarmes s'étaient massés en deux troupes qui, de chaque côté du logis de Tanneguy, barraient la rue, laissant entre elles un large espace vide. Derrière chacune de ces barrières, à perte de vue, une foule de populaires, moutonnantes, silencieuses au premier rang, attentifs à tout ce qui allait se passer, mais de plus en plus agitées et bruyantes dans les lointains où l'on poussait, où l'on voulait voir, coûte que coûte, la bataille et le massacre. Dans l'espace vide se tenaient Scas et Oquetonville. Tous deux avaient l'épée à la main. « Nous acceptons le combat, » dit Oquetonville. « L'un après l'autre, » dit Scas. « Messieurs, » dit Passavant, « ceci est de la générosité. Je ne l'accepte pas, moi. Je ne veux rien de vous. Donc je vous combattrai tous deux ensemble, ou je ne descends pas. »« Eh bien, soit, » dit Oquetonville livide, « descendez. » Le chevalier, aussitôt, descendit. Suivi de Tanneguy qui répétait « Attention, diable, attention !» Le rempart fut démoli tout juste pour laisser place à un homme. Tanneguy voulait absolument sortir, mais Passavant le fit tenir tranquille avec son clair bon sens. « Voyons, lui dit-il, si vous m'accompagnez, on pourra croire à une ruse de notre part. De ce fait, la trêve jurée par les gendarmes sera rompue et nous serons massacrés. » « C'est juste, » dit Tanneguy avec regret. « Allez donc, et que Dieu vous garde !» Les deux amis s'embrassèrent. Puis le capitaine se précipita au premier étage pour assister au combat, et Passavant, se glissant dans le passage qu'il venait de ménager, parut dans la rue. Il dégaina aussitôt, salua ses adversaires et tomba en garde. « Enfin !» rugit Oquetonville, « nous le tenons donc enfin !» Au même instant, les deux troupes rangées de chaque côté du logis se mirent en marche, resserrant l'étau en 2 ou 3 secondes, et Passavant se trouva enveloppé avant même qu'il eût tout à fait compris la trahison. Il faut dire que plusieurs de ces hommes refusèrent de marcher et se mirent à l'écart, prétextant la foi jurée. Ceux-là payèrent cher la façon dont ils comprenaient l'honneur. Ils furent tout simplement pendus. « Trahison ! Trahison ! » hurla Duchâtel en se jetant dans l'escalier en bonds insensés. Mais si vite qu'il eut descendu l'escalier, lorsqu'il arriva dans la rue, il était trop tard. Il vit son ami solidement ligoté, porté sur les épaules de 5 ou 6 hommes, tandis que le reste des gendarmes entourait étroitement ce groupe en marche vers l'hôtel Saint-Paul. Scas et Oquetonville marchaient, la dague au poing, le visage convulsé de chaque côté du prisonnier. Et alors, ce fut pour Tanneguy la plus baroque des aventures que ce digne capitaine eût connue dans sa vie tumultueuse. Lorsqu'il vit qu'on emmenait, ou plutôt qu'on emportait son ami, Duchâtel se rua l'épée haute en hurlant. « J'en suis, arrêtez-moi. Hoé Scas, hoé Oquetonville, Pélitre, Ruffian, chien de Bourgogne. » Il tomba ainsi sur les derniers rangs de la troupe en marche, mais on se contenta de le repousser à coups de pique. Il eut beau ajouter à la liste, pourtant très longue, de ses jurons, des imprécations nouvelles, des anathèmes de son invention, des insultes effarantes, il eut beau même blesser quelques-uns des gardes, il ne fut pas arrêté. Scas et Oquetonville, dans la joie de leur prise, l'avaient complètement oublié. Ce fut ainsi, hurlant, suant, se démenant, que le brave capitaine parvint jusqu'à la grande porte de l'hôtel Saint-Paul et demeura tout ébahi en voyant qu'on relevait le pont-levis. Eh bien, Tanneguy fut profondément humilié. De cette aventure, il demeura ulcéré beaucoup plus que des coups qu'il avait reçus, certains soirs, des gens de Bourgogne. Il grinça des dents, jura que Jean sans peur avait voulu le déshonorer, et se fit à lui-même de terribles serments de vengeance. Puis il reprit tristement le chemin de la truie pendue. La rue déjà avait repris son aspect accoutumé. D'abord on était fort habitué à ce genre d'algarade. Ensuite Paris était en proie à de sombres préoccupations dont nous aurons à parler. Il résultait de là que le siège du logis du Châtel, l'arrestation de Passavant, n'avait ému la rue qu'au moment même de l'action. Tanneguy du Châtel arriva à l'auberge, et il faut dire que l'événement ne l'empêcha pas de dîner de bon appétit. Thibault, qui le vit de méchante humeur, tourna longtemps autour de lui, puis, l'abordant enfin, « Ne vous semble-t-il pas, capitaine, que vous êtes bien imprudent de dîner dans la grande salle et non dans votre chambre comme d'habitude ?»« Pourquoi imprudent ?» grogna le capitaine. « Mais vous m'avez dit, les gens de Bourgogne, vous savez bien ?»« Oui, eh bien, ils ne veulent plus de ma peau, » dit rageusement le capitaine. Le bon Thibault ne comprit pas comment Tanneguy du Châtel était si furieux de ce que ses ennemis n'en voulussent plus à sa peau. Mais cette fureur était si visible qu'il tenta de détourner l'orage. « J'espère, dit-il, qu'on en pourra bientôt dire autant de monsieur le chevalier de Passavant, ce digne gentilhomme. »« Eh bien, hurla Tanneguy, c'est ce qui vous trompe. Sa peau, à lui, est en grand danger. »« J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux. » Il est prisonnier dans l'hôtel Saint-Paul, vociféra le capitaine, qui se versa coup sur coup plusieurs rasades. Thibault pâlit et trembla pour son auberge. Si Passavant était arrêté et qu'on lui donna la question, n'avouerait-il pas qu'il avait longtemps logé à la truie pendue? Cependant, le capitaine posait bruyamment son gobelet vide sur la table en criant. « Ah, par tous les diables d'enfer! Je donnerais 10 ans de ma vie pour pouvoir entrer à l'hôtel Saint-Paul. » Un buveur, attablé non loin, se leva alors, s'approcha en saluant et murmura. « Si, au lieu de 10 ans de votre vie, dont je n'ai que faire, vous voulez seulement me donner 10 écus d'argent, je me charge, moi, de vous faire entrer dans l'hôtel Saint-Paul. »« 10 écus d'or, » fit Tanneguy soudain dégrisé. « Je donne 10 écus d'or. » Et Tanneguy considéra l'homme qui venait ainsi se mettre à sa disposition. C'était un de ces êtres qui pullulaient dans Paris, la figure longue et maigre, la moustache en croc, la rapière immense et le manteau troué. « Oh, fit-il, est-ce toi qui me feras entrer dans la forteresse du roi ?»« Non, dit le personnage, mais je connais quelqu'un qui ne peut pas me refuser de m'aider à gagner ma pauvre vie, et qui, lui, vous fera entrer où vous voudrez. »« Allons, dit Tanneguy en se levant. »« Les écus d'abord, dit l'homme. » Du Châtel monta à la chambre que si joyeusement il avait partagée avec Passavant, donna un soupir de regret au souvenir que cette chambre évoqua en lui, et redescendit avec les 10 écus. C'est tout ce qui me reste, songea-t-il, mais je les reprendrai sur la dot de Roselys. Il se mit donc en route, escorté du personnage qui le guidait. Où me mènes-tu ? Demanda-t-il. Dans la cité, répondit l'homme. Ah ah, et qui es-tu ? Que fais-tu ? L'homme eut un bizarre sourire et un regard de travers sur son compagnon. Tout en marchant, il expliqua. Qui je suis ? « Tu diable, si je le sais. Et mon nom, je l'ai oublié, si tant est que j'en ai jamais eu un. Quant à mon état, je fais profession de jouer ma vie contre un peu d'or toutes les fois qu'il y a aux fourches de la grève un beau pendu, solide gaillard qui ne demandait qu'à vivre. Vous ne comprenez pas ? Non, par la damnation de ton âme. Mais je suppose. Ne supposez rien. J'arrive à la nuit noire sur la grève, escorté d'un ou deux compagnons qui sont mes aides et que je paie. Je décroche le pendu et je le porte à l'homme de la cité. Qu'en fait-il ? Je ne le sais et ne veux point le savoir. Il paie largement, voilà tout. L'homme de la cité ? Fit Tanneguy avec une sourde inquiétude. Oui, celui chez qui nous allons. Si quelqu'un au monde peut vous introduire dans l'hôtel Saint-Paul, c'est lui ou Dieu me donne. Mais s'il refuse ? Pas de danger, il a trop peur d'être dénoncé au prévôt. Mais aussi, Pourquoi depuis plus de 15 jours ne m'a-t-il pas employé? Vos écus m'eussent été inutiles. Nous y voici. Quoi? Fit Tanneguy. C'est ici, dit l'homme. Vous n'avez donc jamais ouï parler de Saïtano? Le logis du sorcier, murmura Tanneguy, qui venait de reconnaître la maison devant laquelle il avait attendu patiemment. Eh bien oui, celui-là me conduira.